OK, la soirée, c'est le sujet, c'est que veulent les forces? Évidemment, la notion de les forces, pour ceux qui écoutent le CD et puis qui se disent c'est quoi ce langage-là, faut bien comprendre que les forces, c'est ce qui est identifié dans toutes les religions comme étant Dieu. OK? Donc, si on fait le parallèle avec les structures religieuses connues à travers le monde, ce que nous autres, on appelle les forces, s'il y a un parallèle à faire avec la notion de l'énergie, de Dieu, ou de tout ce qui est une puissance qui est au-dessus de ce que la volonté de l'homme peut avoir. T'sais, ça pourrait inclure la nature, les forces de la nature, toutes ces choses-là. Bon, ça, c'est pour mettre dans le contexte. Ensuite, on entend dans les religions et aussi on entend dans la notion supramentale qu'on peut communiquer avec ces forces-là. Donc, a priori, on s'entend qu'il faut des dispositions mentales particulières pour avoir cette capacité de communication avec ce qu'on pourrait appeler des forces qui sont au-delà de la nature humaine, donc au-delà de la normalité. Donc, les gens qui sont enlignés, si on pourrait dire, pour être éventuellement en contact avec cette communication avec ces forces qu'on peut qualifier de divines, qu'on peut qualifier de supramentales, qu'on peut qualifier de surnaturel ou de tout ce que vous pouvez imaginer comme terminologie, ça suppose que ces gens-là qui ont cette communication avec ces gens-là, avec ces forces-là, c'est des êtres qui ont une destinée ou une structure karmique particulière qui anciennement était dévouée à des grands prêtres, était dévouée à des êtres qui avaient des odeurs de sainteté par une formation quelconque, et puis qui conséquemment avaient accès à peu importe les générations, ça, les Romains avaient les espèces de médiums là, qui fouillaient dans les entrailles des animaux pour faire des recherches puis des lectures. Les gens ont traversé beaucoup de siècles avec des astrologues, avec des sorcières, ces choses-là. Donc, ces gens-là avaient des propriétés psychologiques, émotionnelles et mentales pour avoir une connexion avec des forces qui sont pas visible à l'œil nu. Là, vous allez me dire, oh, ça couvre large, là. C'est vrai que ça couvre large, mais c'est ce que ça couvre. Parce qu'en réalité, une personne qui est contactée ou qui a un contact avec les forces, c'est un être qui est nécessairement, si on pourrait utiliser le terme de notre société actuelle, c'est une personne qui est branchée. En sous-tendant, évidemment, qu'on a comme accès à une sorte de réseau Internet. Que la plupart des gens, eux, ont simplement un disque dur, si on réfère à l'informatique. Fait que si on regarde ça au niveau de l'informatique, on va dire une personne a un disque dur, mais il n'y a pas de branchement avec Internet, donc il y a une mémoire et il fonctionne ou prend des décisions ou travaille avec les logiciels, donc les programmes, donc sa programmation informatique à l'intérieur d'un circuit qui est la grosseur de son disque dur. Bon, ça, c'est facile à comprendre parce que tout le monde a joué un petit peu avec l'informatique. Et quand on parle d'une personne qui joue avec le contact, donc avec une sorte d'accès à des forces plus étendues que simplement les éléments du disque dur, puis il faut bien comprendre que les éléments du disque dur sont des informations qui se retrouvent sur Internet, mais qui peuvent être suffisantes à l'intérieur même de ce que tu travailles. T'sais, je vous dis, on peut vivre longtemps sans Internet. Et puis avoir accès à ce qui nous est nécessaire dans notre vie courante, et puis très bien fonctionner là-dedans. Mais dès qu'on parle de contact avec les forces, on parle d'un contact infini, et non pas un contact ou un développement fini. Votre programmation a un circuit fermé. Dès que vous avez un branchement avec les forces, vous tombez dans un accès infini, donc qui ne se définit pas finalement, donc qui se définit au fur et à mesure du besoin. Mais le besoin peut être infini. Ça va plus loin que votre disque dur. Je fais l'analogie avec l'informatique parce que c'est tellement facile à comprendre, la symbologie, que ça vous permet de voir un petit peu la différence entre une personne qui travaille strictement avec sa mémoire, donc qui fonctionne avec, on pourrait dire, la norme. Et l'éventuelle société des temps futurs qui va carburer presque quasiment juste en étant un terminal, presque pas de disque dur ou un minimum. Le data nécessaire, comme on dit, pour pouvoir s'autosuffire dans le quotidien, mais les grandes décisions ou les grandes prises de conscience vont être faites directement à partir d'un circuit externe à son terminal. Donc, si on parle du terminal en informatique, on parle de l'ego dans notre langage à nous autres, qui est un langage dit de supramental. Donc, si on parle d'une mutation de l'être par rapport à ce qui était et ce qui va devenir dans le futur, ce que les forces veulent, c'est que tout le monde soit des terminaux branchés à eux autres pour qu'on ait moins de dépendance à un circuit fermé qui est la mémoire. Ça ne veut pas dire que la mémoire n'est pas utile. Ça ne veut pas dire que la mémoire n'a pas de puissance. Mais ça veut dire qu'elle a une limitation et que conséquemment, c'est plus difficile de nourrir un individu qui est prisonnier de sa mémoire que de nourrir un individu qui n'a pas de limite et que s'il y a une crise quelconque qui se produit dans un événement X à cause de la rapidité de ce qu'on rencontre dans notre société moderne, éventuellement, le principe de la communication instantanée en réseau avec une multitude de gens et une lecture de l'information plus rapide que celle qui limitait à votre 10-2, bien, ça permet aux forces d'avoir un effet, je dirais, plus conséquentiel, plus rapide, plus intense, parce qu'il y a plus de volume d'infos, il y a plus de crédibilité. Et puis là, il faut bien s'entendre que quand on parle d'Internet, on parle de connaissances, mais que quand on est rendu au registre des forces, on parle de vibrations, ce qui est une coche bien en haut du Internet. Moi, je me sers d'Internet puis du 10-2 juste pour faire une analogie, là. Mais je ne dis pas que c'est pareil, il faut s'entendre. Donc, parce que de l'Internet, c'est une grosse mémoire. Les forces, si je sors de l'analogie de l'Internet puis du 10-2, les forces, c'est une masse vibratoire, donc vibrante. Et conséquemment, parce que c'est vibratoire, ça implique un modus d'action qui est instantané, alors que la mémoire propulse une réflexion dans l'être, donc le ralenti. Que vous soyez sur le disque dur ou sur Internet, dès que vous tombez dans un mode réflexion, vous êtes ralenti, donc vous êtes déphasé par rapport à la réalité. Donc, la personne qui réfère à la mémoire, ça réfère automatiquement à de la vérité. Et de la vérité, c'est une fausse impression de reconnaissance collective. Quand vous avez une mise en vibration, ça peut défaire 50 vérités d'un coup, parce que la réalité vibratoire, c'est l'instantané. Tandis que la mémoire, c'est une réalité qui peut dater d'une semaine avant, de 3 jours avant ou de 100 ans avant, qui n'est pas nécessairement coordonnée avec l'action que vous avez à faire dans un temps donné. Donc, il faut bien comprendre que tant et aussi longtemps qu'on aura une société qui va être fortement influencée par la mémoire et conséquemment par la connaissance, on va sentir que l'être qui connaît est un être qui connaît dans une certaine limite mémorielle, avec une certaine, on va dire, articulation intellectuelle qui lui permet de favoriser des actes ou des gestes qui sont contenus à l'intérieur de la mémoire, mais qui n'ont pas nécessairement l'efficacité que tu peux avoir sur la vibration, mais qui peut être suffisante pour beaucoup de gens, dans le sens que la mémoire peut suffire beaucoup de gens, mais dans une situation de crise extrême, le manque de contact, le manque de branchement à la vibration peut l'handicaper dans une prise de décision parce qu'il va réfléchir la décision comme étant la sienne et non pas un mouvement vibratoire qui est un courant qui peut être très personnel puis qui peut être aussi très collectif dans un temps donné. Mais que ça n'a pas d'importance que ce soit collectif ou individuel dans le moment où la personne le vibre. Tandis que dans la connaissance, en général, l'ego cherche à se rapatrier l'importance ou la valeur de la mémoire à son « je », donc à donner une autorité à sa personne vis-à-vis du geste ou de l'action qui pose, chose que tu ne vis pas quand tu es sous l'effet de la vibration. Donc, c'est très difficile de savoir pour un ego ce que veulent les forces, parce qu'il y a une lecture de la volonté qui est biaisée par une réflexion. Et c'est là que ça m'amène à vous parler de la volonté, parce que quand on est branché sur une vibration, on n'a pas une sensation de vouloir. On a une sensation de commande à faire les choses. Et l'aide qui est dans la mémoire, comme je vous l'ai dit, il donne beaucoup de valeur à l'information. Donc, donnant beaucoup de valeur à l'information, il veut décider. Il veut, dans sa réflexion, sentir que la décision part de lui. C'est en partie réel que ça part de lui, et c'est en partie faux parce que avant que ça passe par lui, qu'il lui donne l'impression que ça part de lui, c'est que ça part d'ailleurs parce que lui est simplement canal. Donc, c'est comme si sa lecture de ce que ça veut dans la vie, ça se passe juste au moment où il horizontalise le mouvement de la vibration ou de l'action qui est à faire. Donc, il a l'impression que ça se passe, la volonté, que ça se passe sur le terrain des vaches, que ça se passe dans un registre d'action qui est vécu ou lu strictement au niveau de la zone concrète de son action. Alors qu'avant d'être pulsé dans une action, il faut qu'il l'ait vibré avant même de la penser. Fait que vous vibrez, vous pensez, vous articulez dans votre pensée une certaine stratégie ou logique, et puis c'est encadré, cette vibration-là, dans un mouvement d'action. Bon. Fait que ce qu'il faut comprendre dans l'affaire de la volonté, c'est que c'est pas faux qu'une volonté, ça part de vous, mais c'est qu'avant de partir de vous, il faut que vous ayez une lecture de où vous avez votre lecture de la volonté. Si vous avez une lecture qui est horizontale, qui part d'ici, vous allez avoir un facteur réflectif en bout de ligne qui va vous donner une impression de valoir dans votre vouloir. Tandis que si vous avez une lecture de sa part d'une source qui est en dehors du jeu de l'ego, là, vous êtes dans la compréhension que vous êtes un capteur de vibration qui s'exécute à l'horizontale dans une action. Fait que c'est pas faux de penser que c'est nous autres qui veut, mais c'est pas faux dans la mesure que vous voyez ça simplement à partir de l'horizontalisation de la vibration. Vous me suivez jusque-là? Si vous êtes capable d'avoir une lecture qui est plus verticale, donc qui est directe par rapport à la source, donc il y a un minimum de réflexion dedans, vous allez vivre ça comme moi je le vis, comme une commande. Il vous est commandé de faire quelque chose. Puis c'est même pas le bon mot encore. Parce que commander, c'est juste pour donner à l'ego la sensation de ne pas se mêler de ses affaires, là, t'sais, pour y enlever la valeur qui va ralentir le mouvement de la vibration. Il ne faut pas que vous donniez de valeur à ce qui vibre. Pour ça, tu es obligé de dire, c'est pas toi qui décide. Mais le jour où tu comprends, comme moi je peux comprendre, l'affaire de ça vibre, ça fait, tu n'es plus dans l'affaire de la commande. Tu es dans l'affaire de il y a ça à faire. T'sais. Tu t'en vas dehors, il faut que tu t'habilles. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui sort tout nu. Là. Il y en a qui font ça pour faire du sport, là. Tu sais, dans le sens qu'ils vont se plonger dans des lacs froids et ces choses-là. Mais la majeure partie du monde, quand il voit de la neige dehors, ils s'habillent. Mes chats, en tout cas, ils n'ont pas le goût de sortir souvent de ce temps-là. Ils trouvent que l'hiver est long. Fait que on pourrait dire que le chat, il est vibrant. Il a une lecture de visu, du froid, puis quand il met le nez dans la porte, il le sent. Puis là, c'est comme ça y commande de ne pas sortir. Pas de suite, attendre le printemps. Donc, mais il ne vit pas, il ne souffre pas d'être commandé, il ne vit pas de domination là-dedans, là. Il ne vit pas de problème psychologique. C'est juste comme naturel, quand il fait froid, de s'habiller, comme s'il fait 30 degrés Celsius puis qu'il fait chaud à mourir, bien, c'est comme normal d'aller boire ou d'aller s'hydrater en quelque part ou d'aller plonger dans une piscine ou, en tout cas, tu ne te mets pas un manteau de fourrure à 30 degrés plus 30 degrés. Donc, c'est comme, ça va de soi. Bon, éventuellement, ce que les forces vont vous emmener à vivre, parce que c'est pas ce qu'ils veulent, c'est ce qui va se faire, c'est qu'ils vont vous emmener à avoir une lecture des faits qui est à la source, qui est à l'origine. Pour ça, il faut qu'ils débloquent le coude, là, quand ça passe à l'horizontale, il faut qu'ils soient capables de débloquer la réflexion qu'il y a dans le coude qui vous met dans l'impression de penser en « je ». Puis tout l'axe supramental que vous avez exploré au cours des dernières années sur une base ne serait-ce que philosophique, ça vous dit tout le temps de ne pas croire, ça vous dit tout le temps de faire bien attention à la réflexion, ça met l'accent beaucoup sur l'affaire que ce n'est pas vous autres qui pensent. Mais tu sais, c'est pas nous autres qui pensent, ça, c'est pas évident. Mais pas croire, c'est encore mêlant un petit peu, parce que pas croire, il y a bien du monde que ça veut dire, ah, ben il faut être sceptique. Puis le jeu, c'est pas d'être sceptique, c'est que quand l'énergie elle rentre ici puis qu'elle veut pas, elle veut penser, elle devient de l'énergie différenciée. Et puis, il faut qu'elle devienne indifférenciée. Il ne faut pas qu'elle soit moralisée. Il ne faut pas qu'elle soit philosophée, cette énergie-là. Il faut qu'elle soit simplement quelque chose qui doit passer. J'ai écouté un film dernièrement qui m'a été recommandé par une amie qui vient souvent dans mes activités. Et puis, ça s'appelle The Celestine Prophecy, c'est la prophétie des anges. J'ai écouté le film, puis eux autres, ils disent que le futur, ça va être des êtres qui vont vivre comme dans le film. Ben là, je ne veux pas vous enlever le punch d'écouter ça, là, parce qu'il y a quand même une petite intrigue. Mais je peux vous dire, pour avoir écouté le film, que OK, c'est spirituel, mais c'est ça. Dans le futur, ça va se passer de même. Et puis, c'est pas avec la romance de la place là, du film, là, mais les gens vont vivre avec ce qu'ils captent. Puis ils vont vivre comme à la dernière minute. T'sais, dans le sens qu'ils ne vivront pas la préoccupation du futur comme le monde l'a aujourd'hui, qui est basé sur une peur de ne pas avoir les ressources qu'il faut à tel âge ou à ci ou à ça. Ils vont avoir une conscience que toute la nature, toute l'être qui fait partie de cette nature-là est complètement gérée intelligemment. Il n'y a pas de manque d'intelligence dans la vie. Et tant aussi longtemps que la personne pense en termes de « c'est le chaos », si je ne m'organise pas, ben c'est le chaos. Parce qu'elle crée un état d'âme de chaos et non pas un état d'esprit d'intelligence. Fait que le chaos s'installe dans une réflexion. Mais dès que vous êtes dégagé de la réflexion et que vous avez accès à tout ce que peut donner la source, donc votre contact, votre double, qui est dans le fond vous-même, mais c'est un autre plan, mais ça, il faut le réaliser dans nos actes et dans les observations qu'on fait de la vie pour voir à quel point c'est synchronisé et à quel point tout est pensé ou vécu d'avance au niveau de la vibration et que nous autres, on est simplement un terminal qui exécute quelque chose qui est déjà en fonction. OK? C'est facile à dire, mais chacun de vous autres avez à vous faire, en guillemets, votre preuve pour défaire le doute. Parce que dans le fond, ce qui vous empêche de vivre ça vertical, horizontal, ligne d'un trait, c'est le doute. Puis le doute s'installe par le biais de la réflexion. Et puis une des trappes du doute, c'est de penser qu'on veut. Penser qu'on veut dans le jeu, c'est installer le doute dans l'action. Parce que tu vas, à un moment donné, dans ton action, tu n'auras pas la garantie de ton futur, de ce que tu veux. Puis tu sais, si vous seriez capable de juste dire « vouloir » dans le sens de contenir, ça serait déjà beaucoup moins difficile, même s'il y avait du « je ». Mais c'est parce que quand vous parlez de « vouloir », il s'inclut l'objectif et il s'inclut le résultat que vous recherchez dans le mot « vouloir ». Et c'est là que c'est pas bon. Parce que vous pouvez pas, dans le « je », avoir la totalité dans votre lecture, voir toute la lecture complète des conséquences de votre vouloir en question. Il vous est demandé de vouloir dans le sens de contenir, mais de ne pas vous occuper de la finalité des choses. Fait que si vous étiez dans vouloir, tu sais, exemple, tu veux faire de l'exercice, mais tu ne t'occupes pas de savoir si tu vas maigrir ou si tu vas avoir des gros muscles, ça serait déjà beaucoup mieux de penser une volonté comme ça. OK? Tandis que la personne, elle, qui veut, en général, elle veut perdre 10 livres, elle veut avoir des gros muscles, elle veut un résultat. Si vous laissez la vibration faire sa job, vous allez l'avoir, le résultat, mais vous n'aurez pas à vous inquiéter de ne pas avoir le résultat. Vous me suivez? Oui. Bon, fait que les forces, la job, c'est de défaire dans vous autres l'espèce d'anxiété qu'il y a à vouloir faire quelque chose. Ou la peur même de ne pas arriver à un résultat, qui ne dépend pas de votre volonté, mais qui dépend d'un plan dans lequel vous êtes intégré et dans lequel vous avez un rapport avec des cinquantaines, des centaines de personnes, et puis le « qu'est-ce que vous voulez » a des conséquences. Okay? Puis la conséquence, vous la vibrez sans savoir qu'il y a des mots à mettre dessus, excepté que vous essayez d'identifier les zones de profitabilité pour votre « je ». Qui limite beaucoup, beaucoup la lecture, pas la portée, parce que vous allez, de toute façon, tout est destiné, tout est lié à un karma, tout est lié à une programmation, fait que vous allez être ce que vous avez à être. Mais de penser que c'est le « je » qui le fait, C'est là le problème. Tandis que si vous êtes plein en vibration, puis que vous dites, ah, grand ça, les forces, ils veulent que je fasse l'exercice. Puis là, dans le « ils veulent faire de l'exercice », ils vous emmènent à un résultat donné, qui est le résultat qui doit se faire pour arriver à vous mettre en syntonie ou vous mettre en synchronisation avec un environnement quelconque. OK? Fait que il y a des raisons pourquoi vous êtes petit, des raisons pourquoi vous êtes laid, des raisons pourquoi vous êtes beau, il y a des raisons pourquoi vous êtes gros, vous êtes ci, vous êtes ça. Il y a des raisons pour n'importe quoi. Et puis, dans le fond, si vous voulez réellement satisfaire votre jeu, vous avez juste à comprendre l'action qu'on vous fait vibrer pour comprendre, finalement, dans les résultats, toute la synchronicité. Si on comprend que vouloir, c'est contenir une vibration, j'ai 90% du travail de fait. Parce que ça vous enlève l'impression de donner une valeur au résultat. Et regardez bien le fait que la réflexion existe dans votre vie parce que vous voulez un résultat garanti d'avance. Tu sais, il n'y a pas personne qui aurait le goût de faire de la bourse puis de se faire dire « Tu vas vivre cette expérience-là pour apprendre à perdre dans la vie. Hein? » Ce n'est pas l'objectif de l'ego, ça c'est sûr. Tandis qu'un individu qui essaie la vibration, il va rentrer dans le marché pour la vivre, la situation de perte, pour comprendre les états, puis les humeurs, puis les sensations, puis les émotions qu'il vit là-dedans, pour arriver à être au neutre. Et puis après, quand tu vas avoir vécu sa zone de perte, il va dire, bon, maintenant que j'ai vécu ça, là je peux m'en aller dans d'autres choses, parce que là, j'ai plus peur des conséquences. Hein? Elle est violente, celle-là. Là. Ça veut dire que les forces peuvent vous faire vibrer des échecs pour vous préparer à un autre champ d'activité. Ils peuvent faire ça. Ça ne veut pas dire qu'ils font avec tout le monde. C'est justement là. Il ne faut pas tomber dans l'impression qu'on fait toute la même affaire. Chaque personne a une expérience qui est personnelle. Moi, je regarde présentement des gens qui se sont mêlés à la bourse. Puis là, je suis débarqué de l'affaire de faut qu'ils gagnent leur vie avec ça. Puis je regarde plutôt qu'est-ce que ça les a fait vivre pour éliminer leur peur dans la vie, pour pouvoir faire des choses qui sont plus essentielles que de faire de l'argent. OK? Et puis, c'est le test qu'ils ont passé là-dedans qui va lui permettre de s'affranchir d'une crainte de faire d'autres choses. OK? Mais si on te l'aurait dit avant, t'aurais dit, non, moi, je ne fais pas ça. Là, t'aurais créé des blocages, tu serais resté avec ta peur. Fait que ce qui arrive souvent, c'est que les forces, quand ils voient que vous êtes trop dans la réflexion, ils vous chipent des nananes. Puis ils vous chipent des objectifs, puis des fausses vérités, des fausses réalités, pour vous embarquer sur le terrain de quelque chose. Là, je vais donner un exemple de la bourse, mais je pourrais vous donner des exemples de n'importe quoi. C'est comme un gars qui cherche une femme ou une femme qui cherche un homme. Peut-être qu'ils vont t'en faire rencontrer toi pour te préparer à celui que ça va être le bon. Fait que là, ça te défait de l'affaire qu'un divorce, c'est un échec. Là, tu vas plutôt voir comme, trois expériences affectives, ça me donne la possibilité de mieux me connaître et éventuellement d'avoir un rapport plus souple, plus flexible avec le sexe opposé. OK? Là, vous allez me dire, c'est-tu nécessaire? Non, parce que ce n'est pas une recette. Les forces te font vibrer là où il y a de la rigidité, de la peur, de la fixation, du manque de réalisme, puis du pognage avec des valeurs idéales de vie. Vous me suivez? Bon. Fait que volonté, quand c'est débarqué de la réflexion, ça devient de la contenance à une vibration. Et cette contenance-là, elle devient votre passeport pour une multitude d'expériences qui va devenir de plus en plus subtile et raffinée. Qu'est-ce que je veux dire là-dedans? Il y a ce qu'on pourrait appeler le karma. Il est inévitable parce que c'est votre matériel de base pour pouvoir vous véhiculer sur la planète dans un champ d'expérience donné. Dans le karma, vous bénéficiez de force et vous avez certains handicaps karmiques qui sont liés à des manquements, à des carences, qui sont vos faiblesses. Évidemment, l'individu, il cherche évidemment à pousser ses forces. Mais la faiblesse qui est installée dans le karma, attachez vos bottines, c'est pour vous enlever l'impression de pouvoir dominer. OK? On vous garde toujours une petite faiblesse pour... tu sais, comme un presto, là, t'as une petite affaire, une petite cloche là, par-dessus les choses. Bon, mais il laisse tout le temps un petit trou pour pas que la vapeur devienne trop grande, pas que tu t'enfles la tête. Fait que toute personne a des forces qui vont lui permettre de se véhiculer dans la dynamique matérielle, la dynamique relationnelle, la dynamique sociale, et aussi des faiblesses qui sont placées dans sa vie pour l'empêcher de faire du pouvoir. Donc, un individu ne pourra jamais, n'importe qui sur la planète, ne pourra jamais se sentir absolument, dans une réflexion, là, il ne pourra jamais se sentir absolument en pouvoir. Pour finalement dire, si jamais il y a un contact avec les forces, pour un moment donné dire, comme Bernard me dit avant de mourir, il dit, Daniel, la force, le pouvoir, on l'a quand on ne l'a pas. Si voulait, le message était assez clair pour dire, on est aussi fort qu'on ne réfléchit pas. On est aussi fort qu'on se laisse commander par les forces. On est aussi fort qu'on vibre. Dans la vibration, il y a de la neutralité. Il n'y a aucun rapport relationnel dominant. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autorité, mais il y a une impossibilité de dominer parce que tu n'as pas de mémoire. La puissance de la vibration élimine littéralement, ça vous disjoncte complètement l'intellect et vous ne pouvez pas bâtir de stratégie sur une vibration. Vous ne pouvez pas mécaniser une vibration. Vous pouvez la vibrer, point final. Mais vous ne pouvez pas la répéter parce que ce n'est pas dans le terrain du karma. Ce n'est pas dans le terrain de l'ego de répéter une vibration. C'est les forces qui font vibrer. Et l'ego, lui, tout ce qu'il peut avoir, c'est une souvenance de la vibration et de ses résultats, mais il ne peut pas répéter ça. Donc, tant et aussi longtemps qu'il y a de la réflexion, vous allez vivre de la force et de la faiblesse. Vous allez remarquer que vous avez une force que vous allez chercher à protéger au niveau de l'impression puis de l'image, mais que quand vous revenez chez vous, là, vous vous sentez gros de même, un petit poids, là. C'est un petit poids, là, le scieur le numéro un, là, c'est tout petit. Là. Puis que ce petit poids-là, là, cette faiblesse-là, elle est nécessaire pour vous empêcher d'avoir une impression de puissance qui dominerait votre environnement. OK? Fait que moi, souvent, quand je suis en consultation, je joue beaucoup avec le déblocage du karma. Puis je regarde tout le temps, dans le rapport que les gens ont avec l'augmentation de leur force, je regarde toujours leur faiblesse, comment qu'elle apparaît quand ils développent de la force. Parce que la réflexion, plus tu mets de la force, plus c'est évident la faiblesse. Tu sais, personne ne va parler d'engagement. Tu sais, t'es engagé. Puis là, à un moment donné, là, dans son engagement, là, la personne, parce qu'elle réfléchit, elle attend un retour. Il faut que l'autre s'engage pareil. Gars, moi, je m'engage plus. Ah, là, je m'engage plus. Quand je commence à avoir du vocabulaire qui est plus que l'autre, là, ou des espèces de petites vapeurs là, de plus que l'autre, là, je l'emmène sur le terrain du genre, toi, qu'est-ce que tu as vécu pour être fort de même? Puis d'après toi, pourquoi l'autre ne le vit pas comme toi? T'sais? Puis je l'emmène à se questionner sur l'importance que l'autre accorde à ce que toi, tu donnes de l'importance. Puis là, oups, je fais voir les variantes de ça. Puis là, je dis, sais-tu, t'es fort, hein, mais tu vois rien. Fort de même, là, puis avec un bandeau d'en face, là, je dis que tu dois te cogner les orteils et les murs, de temps en temps. Il te reste juste à bûcher dans le mur quand t'es bien à côté dessus, mais ça reste que tu vois toujours rien. Peu importe la force que t'as. Fait que j'y mets en relief sa faiblesse. Pour qu'il comprenne qu'il pourra jamais être plus fort que ce que les forces veulent qu'il soit dans un domaine donné. Puis que sa faiblesse va toujours le défaire, c'est une question de temps. Donc, on vient au fait que le karma, c'est la tasse de thé de bien du monde, sa planète. Et que conséquemment, quand vous êtes programmé, vous avez nécessairement des talents qui vous sont donnés pour survivre. Ils vous donnent au moins un minimum la santé, bien souvent. Puis ils vont vous donner les ingrédients qu'il faut au niveau des événements pour que vous puissiez appliquer cette force-là dans une action donnée. Mais dès qu'il va avoir excès d'impression de soi, là, dans le sens orgueilleux, là, que les gens disent tout le temps, l'orgueil, là, puis ça n'a pas besoin d'être exprimé vers l'extérieur. Là. Vous pouvez être assis sur la balle de toilette chez vous, là, puis vous avez une subite impression, une montée de lait incroyable qui vous donne l'impression d'être le roi ou la reine de l'univers. Là, ils vont vous remettre en relation la faiblesse. Un petit point dans l'intestin. Non, non, non, je ne veux pas avoir d'appendicite aiguë. Oh, non, non, un petit point au cœur, je ne veux pas y avoir de crise cardiaque. Puis là, tu vois que la vulnérabilité du corps dans toute la force que tu peux avoir. Puis c'est la même chose quand vous vous sentez faible. Parce que quand, se sentir faible, c'est pas regarder sa force. Tu te sens faible parce que tu es orgueilleux, puis tu es relationnellement handicapé par rapport à un environnement X. Puis cet état de faiblesse-là vient simplement par encore de la réflexion, de l'orgueil. Tu peux pas te sentir faible quand tu n'es pas orgueilleux. Tu te sens toujours faible quand tu es orgueilleux. C'est l'orgueil qui te fait sentir une faiblesse, qui te fait sentir un manque. Mais c'est que quand tu te lis fort ou faible, tu polarises, puis quand tu te polarises, bien, tu t'affaiblis. Tu t'affaiblis quand tu te penses fort, puis tu te penses en jeu. Tu t'affaiblis doublement quand tu te penses faible, puis que tu le réfléchis. Fait que, tu sais, idéalement, c'est d'avoir une compréhension de la lecture que tu te fais de la faiblesse et de la force pour arriver au plus neutre possible. Et là, c'est facile de comprendre que pour sortir du karma, c'est de ne pas réfléchir. Vous arrêtez de réfléchir votre condition, vous arrêtez de l'évaluer et d'y donner de la valeur, et vous êtes automatiquement en contact avec le mental supérieur, donc avec la source. Et là, tout ce qui vous reste, c'est vibrer. Et si vous ne donnez pas d'importance à ce que vous vibrez, bien là, ils vont vous faire faire tout ce qui est fort. Puis si moindrement vous tombez dans... Puis c'est ça qui est le problème bien souvent, c'est que quand vous commencez à vibrer, puis vous retombez dans la force, puis que là, vous commencez à donner de l'importance à la force, parce que là, l'ego n'est pas fou, il dit « Hey, bon, ben, l'esprit travaille pour moi. » Et puis là, quand vous tombez dans l'impression que l'esprit travaille pour vous, alors il coupe la valve, il n'y a plus d'eau au bout de l'arrosoir, puis là, vous vivez de la faiblesse. Parce que vous avez retombé dans la réflexion. C'est, dans le fond, c'est pas compliqué. OK? Les forces m'informent. Ils me disent, tu fais ça. Je le fais. Je ne sais pas quel résultat que ça va donner. Puis là, je regarde le résultat. Mettons, je prends 6,49. Là, en supposé, ils ne m'ont jamais fait vivre ça dans la vie, mais je ne prends pas de billet. Mais je m'en vais jouer des 6,49, là, la loterie. Et puis, je gagne. C'est je gagne ou ils m'ont fait gagner. Si je tombe dans « je gagne », bien, quelque part, je vais le perdre d'une certaine façon. Si je ne le gagne pas, mais ils m'ont fait gagner, une fois que je vais avoir le montant, je vais dire, bon, qu'est-ce que je fais à cette heure? C'est quoi que vous me demandez de faire? Mets ça à la banque, puis quand il arrivera des événements, on te le dira. Hop, tu es aussi pauvre qu'avant, mais tu as 1 million dans ton compte, mais ce n'est pas à toi. C'est à toi pour une éventuelle situation. C'est pas pareil comme dire j'ai gagné 1 million. Hein, c'est différent. Bon, mais c'est à peu près ça le dilemme de l'ego vis-à-vis de la source. Les gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à sortir de la valeur. Et en ayant cette difficulté-là, bien, ils restent dans du karma, qui est de la programmation. Et la mémoire prend le dessus sur la vibration. Jusqu'à temps que la crise arrive. Parce que dans le karma, vous avez 4-5 bonnes crises là, qui sont pas piquer des verres. Et puis, quand vous arrivez à la crise, souvent, c'est des gros courants plutoniens, comme la société va vivre là, dans une couple d'années. Puis, dans ces structures de crise-là, là, vous n'avez plus de point de repère. Ça, c'est les plus beaux moments de la vie de la source. C'est les pires moments de la vie de l'ego, mais c'est les plus beaux moments de la vie de la source. Parce que dans la crise, en n'ayant pas de point de repère, il vous reste quoi? Il vous reste de vivre strictement. C'est, tout est fait, tout est vécu pour vivre. C'est plus important que tu te promènes en Mercedes, là. C'est plus important que tu gagnes la loterie. C'est juste important que tu vives. Puis là, il te ramène dans une crise. Il te ramène tellement à l'essentiel que là, tu découvres qui est-ce que tu es. Mais pas dans le sens de ce que tu es pour les autres, mais dans le sens de ce que tu es dans ce qui vibre pour toi. Là, c'est plus une histoire de couple, c'est plus une histoire de famille, c'est plus une affaire de responsabilité vis-à-vis des autres, c'est même plus une question de se faire aimer. C'est une question de vibrer, pas pour s'aimer, de vibrer strictement pour être au maximum d'une plénitude qui nous enlève le futur du visage. Oh, que c'est pas pareil. Parce que regardez dans le karma, vous avez toujours une grosse anxiété de votre passé, une insatisfaction de ne pas avoir eu telle ou telle ressource, et puis une espèce d'angoisse monumentale du futur, parce que vous dites, si je n'ai pas eu ça dans le passé, je ne pourrais pas faire ça dans le futur. Puis là, vous êtes à la course, à l'armement, pour pouvoir vous donner une image qui va vous donner en société un apparat de force pour vous donner l'impression que vous pouvez vous enrichir sur ça, ce qu'on appelle la fameuse réputation, l'image publique, l'image sociale, etc., etc., qui peut se défaire, c'est un claquement de doigts selon les besoins du marché. Fait que, ils ont besoin d'avocats, bon, fait que là, ils produisent des avocats, puis à un moment donné, comme exemple, là, ils ont besoin de médecins, là, fait que là, ils vont produire des médecins. Puis, mais la vie de médecin, là, quand on le regarde bien comme il faut, là, c'est un esclavage. Là. Fait que, ils vont te pomper ça au niveau de l'image, là, tu sais, genre, hey, ils font des gros salaires, là, tu sais, tu fais 200 000 par année, tu n'as pas le temps de le dépenser parce que tu travailles tout le temps. Là, je suppose qu'il y a le party. Ils te placent un médecin en crise. Là, la crise, c'est une génération, bien souvent, la génération Y, là, qui veut pas travailler plus que 8 heures par jour pour pouvoir profiter de sa famille, puis ci, puis ça. Puis là, ça place la société dans une situation de crise. Pourquoi? Parce que les dirigeants ne peuvent plus commander l'individu. C'est ça, le futur. Là. Vous me demandez, c'est quoi l'apocalypse? L'apocalypse, c'est que les gens s'individualisent tellement que le gouvernement, là, ils vont y dire, écoute, mon bonhomme, toi, tu veux qu'on fasse ça, là, mais moi, j'ai décidé que mon plan de carrière, ce ne sera pas celui que tu vas me fixer. Oups! Ils ne peuvent plus dominer. Ils ne peuvent plus contrôler. C'est ça que vous allez voir dans la prophétie des anges. Les gens ont tellement besoin de suivre ce qui vibre qu'ils ne peuvent pas être commandés par l'extérieur. Ça, c'est la liberté, pas à peu près. Donc, quand dans la crise, tu n'as plus de point de repère, tout ce que tu as, c'est quelque chose qui n'est pas lié à la mémoire. Parce que ta mémoire est en déficit. Ta mémoire est en faillite devant l'inutilité et l'écrasement de ne pas trouver de solution. Tu ne trouves plus de solution. Donc, la question qui est « que veulent les forces? » ça se répond tout simplement en disant « les forces, ils veulent que vous ayez toujours une réponse à vos questions. » Une vibration, c'est une réponse à n'importe quelle question. Vous avez une question, vous avez besoin d'une réponse pour pouvoir vous activer. Bien, la réponse, c'est bien compliqué. C'est pas compliqué, c'est de vibrer quelque chose. Bon, vous allez me dire, est-ce que je peux me fier sur la réponse qu'il donne? Non. Parce que si vous voulez vous fier sur la réponse qu'il vous donne, c'est que vous avez encore une anticipation d'un résultat. Elle est bonne, celle-là. Quand Bernard disait pas croire, là, c'était la recette pour désengager l'ego contre le fait que s'il vibre, parce que là, il est démuni, que s'il se présentait un résultat qui faisait l'affaire à l'ego, pour pas que l'ego se redonne l'impression d'avoir le contrôle, il faut pas qu'il pense que le résultat est garanti. Vous allez me dire, où est-ce qu'il y a la sécurité? Et voilà. On est rendu au point crucial de pourquoi les gens ont tant de difficultés à ouvrir vers la source. Ils veulent de la sécurité. Donc, ça sous-tend qu'ils vivent plein de peur. Mais quelqu'un qui a peur, il n'y a pas de réponse. Quand tu as des réponses, tu n'as pas peur. Puis la réponse, ce n'est pas de l'information intellectuelle. C'est la conscience d'un état vibratoire qui est ta sécurité. Comment tu vibres, c'est ton futur. Mais ce n'est pas une description d'une maison à 400 000 ou des bijoux plein le corps ou des affaires de même. Ce n'est pas ça. C'est tu vibres un état de neutralité, de bien-être, et ça, ça crée ton avenir. C'est très différent pour l'ego de voir sa vie avec des garanties, puis de vivre sa vie en vibrant, en étant le plus neutre possible pour pouvoir s'actualiser dans une action donnée. Bon, fait que tu dis à quelqu'un qui est conscient de la source, il y a un apocalypse, puis je dis, moi, si ma maison ne se déplace pas, là, je suis correct. Puis si on déplace ma maison, si je suis bien avec moi-même, je suis correct encore. Si je suis avec deux, trois personnes avec lesquelles je suis bien, on est dans une société qui est supposée de coordonner, puis on rencontre pas bien plus que 10 personnes avec qui on s'entend. Il n'y en a pas des tonnes. Fait que, on est bien avec 10 quand ça va bien, mais si ça va mal, puis on est toujours avec les mêmes 10 personnes, ça va bien pareil. C'est les formes qui changent. Pas d'électricité, bon, on va voir ce qu'on peut faire dans ce temps-là. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Ça revient toujours à un nouveau challenge. C'est plus en thème de la société nous prend en charge, c'est en thème de qu'est-ce que nous autres on peut faire pour s'organiser. Puis pousser ça à l'extrême, puis dites, bon, on va mourir. Bon, qu'est-ce que. C'est mon timing, là, tu sais, c'est pas toi qui mène. Fait que tu meurs pas parce que tu veux mourir, hein. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui veut mourir. Mais tu as un temps, tu as une date d'échéance, ta canne de lait. Puis quand il te la présente, tu vas dire, écoute, tu vas mourir dans 2 semaines. Tu dis, merci de ne pas l'avoir dit avant. Tu sais, genre. Mais c'est comme, bon, ça se présente comme étant ça, puis bon, on verra qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. That's it. Parce que c'est, tu ne vis plus ta vie en fonction d'un résultat ou d'une forme de construction que l'ego justifie par des valeurs. Essayer de donner une importance à une construction, c'est pour vous autres, ça n'a pas de valeur pour l'ego. Si on regarde l'ego, il est toujours à la course d'un futur où il peut se protéger et se garantir des choses. Tandis que les forces, eux autres, ils ne garantissent rien, mais ils s'occupent de toi tout le temps. Même le Nazaréen, il disait, les lys dans les champs n'ont pas à se préoccuper de leur avenir. Fait que dans toutes les religions, ils ont un petit peu cette compréhension-là que l'énergie est toujours là. Il n'en manquera jamais. Elle va changer de forme. Au niveau de la forme, elle va changer de forme. Mais elle va toujours être là. Fait que moi, j'arrive aux gens et je lui dis, écoutez, dans la vie, là, moi, ce que je peux vous apporter, c'est un témoignage à partir de qu'est-ce que les forces me font vivre, d'apprendre à lire. J'ai appris à lire avec eux autres. J'ai pas appris à changer la vie, c'est eux autres qui changent la vie. Mais j'ai appris à lire ce qu'ils me font vivre. Puis dans l'apprentissage de cette lecture-là, je la communique le plus possible pour que les gens comprennent que la seule chose qui leur sont réellement, on va dire, entre les mains, là, c'est une lecture. Mais ils ne peuvent pas changer la programmation karmique. Puis ils ne peuvent pas changer ce que les forces veulent faire avec eux autres, qui est d'avoir des réponses tout le temps. C'est pas compliqué. Ils veulent que tu comprennes tout. Ils veulent pas que tu en comprennes juste un petit bout ou le bout qui fait ton affaire. Ils veulent que tu comprennes tout. Tu rentres dans une relation affective, ils veulent que tu comprennes l'autre. En moins des choses, shit, tu vas vivre 20 ans avec, ou 30 ans, ou 40 ans. Ils veulent que tu comprennes l'autre. Ils veulent que tu comprennes sa psyché, ses origines karmiques, ses vies antérieures, s'il faut, puis sa source. Puis que la communication qui se fait, c'est ça la chimie. C'est pas une affaire de chimie animale, là, que tu te sens de péteux, là, puis tu te dis, ça me donne un feeling d'enfer. Non, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent pas que ça soit animal, ils veulent que ça soit mental. Donc, c'est une chimie mentale, une chimie dans la communication, dans une lecture de l'autre, et l'autre te lit. Pas un qui lit l'autre, puis l'autre, puis il se pompe, puis il se pompe, puis il se pompe. Non, non, non, une lecture mutuelle. Donc, vous êtes à la fois un écolier pour les autres et aussi un professeur. Puis ça, c'est pas votre ego qui contrôle ça. C'est les événements qui vous placent à un certain moment donné en position de professeur. Mais professeur, ça sous-tend que tu étudies ton élève. C'est pas ce que tu lui donnes comme information qui est important, c'est ce qui se passe avec. Puis vous avez le droit de chialer, parce que quand vous êtes mis en vibration, il y a des motons d'insatisfaction, il pleut dehors, bon, tu t'habilles, tu as la vibration, mais suivre la vibration, c'est se mettre à un imperméable, c'est se mettre les deux pieds dans l'eau, geler les pieds, puis le kit. C'est pas toujours drôle de suivre une vibration. Les gens pensent qu'ils suivent une vibration, là, c'est Walmart, ils te sourient en rentrant, puis tu sais, ta-ta-ta. Non, non, non, c'est pas ça pas en tout. Il y a des bouts rough dans suivre la vibration. Parce que les bouts rough, c'est tous les petits motons de réflexion qui ont à passer, là. C'est des pierres au rein. Bon, quand elle passe, la pierre au rein, tu guéris, mais le temps qu'elle passe, c'est plus gros que tu pensais, ça. Bon, c'est un petit peu ça, le phénomène. C'est, on peut pas vivre pas de structure. Les forces te font vibrer, mais... tu sais, exemple, tu vibres une conduite automobile, t'sais. Tu conduis, mais il te faut une auto. Puis une auto, c'est une structure. C'est une stratégie intellectuelle qui formule un assemblage de pièces qui permet de faire une auto. Tu as besoin du véhicule. Mais il faut pas que le véhicule, ça soit ta vie. Il faut que le véhicule, ça te fasse vivre ta vie. Mais il faut pas que ça soit ta vie. Le problème avec l'intellect, c'est qu'il ne reste pas à la position qu'il est supposé avoir, celui d'esclave, façon de parler. Je pousse le terme fort, là, mais tu sais, c'est pas ton travail qui est important, c'est ce que tu vis dans ton travail qui est important. Dans le sens que toi, tu donnes une valeur à une résultante, mais si tu enlèves la valeur à la résultante, okay, si tu l'enlèves, ça, là, tu vas te rendre compte que ce qui est important, là, c'est que ce que tu développes. C'est pas que ce que tu fais pour les autres. Le pour les autres, c'est tout un problème de relationnel, ça. Si tu as peur avec du monde, essaye pas de faire quelque chose avec du monde pour enlever ta peur. Arrange-toi pour enlever ta peur, puis tu vas pouvoir faire quelque chose avec le monde. Moi, j'étais en couple, ou je suis pas en couple, il faut que je sache que. Moi, c'est ma plus grande peur dans la vie, c'était d'être tout seul. OK? Fait que quand j'étais en couple, je me la coulais douce. C'était dur, mais c'est moins dur que d'être seul. Mais pour quelqu'un qui est seul et qui a peur d'être en couple, le plus gros problème, c'est d'être en couple. Mais moi, être en couple, c'est les vacances. Fait que finalement, là, la situation, c'est Pour éliminer tes peurs. Pour éliminer tes peurs. C'est ça. Moi, ils m'ont mis dans une situation de célibat là, pour que j'élimine cette peur-là. Quand je me lève le matin, que je ne vive pas de manque, là, que j'organise ma journée pour avoir toujours une compréhension et une lecture de ce que j'échange avec mon environnement. Ils m'ont fait comprendre avec le temps que ce qu'on cherche de l'autre, c'est sa présence, c'est pas la propriété. J'étais possessif quand j'étais jeune. Moi, j'étais jaloux malade. Là. Avec les années, non, c'est fini ça. Ils vont pas t'amener une femme à un moment donné? Ah, probablement. Ils vont me faire une infirmière quand je vais être en chaise roulante. Bon, je suis pas mal sûr. Mais c'est parce que j'ai plus besoin d'être propriétaire. Ça a des conséquences assez bizarres. Ben, c'est pas normal non plus. Pardon? Ben, moi, je suis en couple, ça fait 25 ans. C'est pas normal non plus d'être propriétaire de quelqu'un non plus. Ben, c'est aussi normal que tu n'es pas possessif. Si tu as peur de perdre ton chum, tu vas le perdre. Puis si ton chum a peur de te perdre, il va te perdre. Il va se passer quelque chose au niveau de la santé, ou de la maladie, ou de la disponibilité. Puis tu vas avoir à vivre ta peur. C'est parce que vous autres, vous donnez encore de l'importance au rapport. Puis c'est pas le rapport dans le sens de bien aller, pas bien aller. C'est qu'est-ce que tu élimines comme réflexion, comme peur, comme angoisse existentielle. C'est ça la priorité. Quand tu comprends la vie à partir de là, là, hey, c'est pas compliqué, là. C'est quoi qu'ils veulent qu'on fasse? Des dieux? Bien, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils veulent que vous ayez des réponses à toutes les situations qui se présentent dans votre vie. Tu sais, puis quand je te dis, là, dans une structure de relation intime, que tu sois tout seul ou en couple, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est la peur que tu as d'être seul ou la peur d'être à deux qui est le problème à régler. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas de peur d'être à deux, mais j'ai une peur d'être seul. Fait qu'ils me font régler le tout seul. Parce qu'être à deux, le claquement de doigts, j'embarque demain matin, j'ai absolument aucune tension. Mais la tension, c'était de rester tout seul. Fait que là, ils m'ont fait capoter un 5-6 ans, puis après ça, ben, tu apprends à vivre avec d'autres choses. Puis je me suis plus développé en étant isolé que quand j'étais à deux. Parce que quand j'étais à deux, j'avais des attentes sur l'autre qui faisaient que je ne me regardais pas. Quand tu es tout seul, tu es obligé de te regarder. Bien du monde qui fuit à travers le couple, là. Plutôt que de s'affronter dans leur faiblesse, il se fie à la force de l'autre pour dire, bon, j'aurais pas besoin de le faire, il le fait, lui. Fait que le doute que tu vis, tu peux pas dire, on doute. C'est vrai que tout le monde, il doute de quelque chose. Même moi, des fois, j'ai des doutes. Vous avez des questions, avec tous les états d'impuissance que vous avez dans la vie, OK? Il y a des situations d'impuissance qui se présentent à tous les jours. Vous avez des questions. Vous êtes des questions ambulantes. Eux autres, ils veulent vous ouvrir le tuyau pour qu'il y ait des réponses. Puis ça résiste. Ou ça cherche des réponses qui ne fitent pas avec votre tuyau. Tu sais, tu vas chercher... Toi, tu veux savoir comment faire une omelette, tu t'en vas voir les bouchers. Tu ne vas pas à bonne place. Mais si tu vas voir un gars qui lève des poules, il va te dire, bien, gars, une omelette, ça se fait de même. Fait que toute l'évolution d'un être, c'est une évolution qui tourne autour du phénomène de la reconnaissance. Mais pas la reconnaissance de l'autre, le voisin en face. C'est la reconnaissance de ce qui est intelligent dans la vie. Qu'est-ce qui est intelligent? Pas « est-ce que je suis intelligent? » C'est « qu'est-ce qui est intelligent? » Tu vas être intelligent quand ça va être intelligent. Fait que quand tu vas voir que c'est intelligent, moi, quelqu'un qui voit de l'intelligence, il est aussi intelligent que moi, parce qu'il voit la même chose que moi. Et puis, qu'est-ce qui est intelligent? C'est quand tu ne te le mets pas en propriété, mais que tu te le mets, exemple, en échange, puis que tu participes avec d'autres à de la reconnaissance de quelque chose d'intelligent. C'est pas toi ou l'autre qui est intelligent. C'est intelligent. Comment tu veux dire? Ça vibre. Puis ça, si tu es capable de faire bénéficier à du monde, de vibrer de l'intelligence, ben fuck, c'est le fun. Moi, je dis souvent aux gens, écoutez, si vous venez pour de la connaissance, là, j'ai assez de CD pour vous écœurer pour au moins un an. Puis je dis, si vous venez pour vibrer, ben là, on va se rencontrer, puis on va répondre à des questions. Le processus question-réponse, c'est pas un rapport de t'es nono, je suis intelligent. C'est pas un rapport de même. C'est un rapport de stimuli, comme j'expliquais tout à l'heure quand j'étais avec Bernard, je posais des questions pour relancer la vibration dans la salle. Mais si vous étiez comme ça entre vous autres, puis que, exemple, on était dans des groupes comme ça, puis qu'on tombe en deuxième partie, vous avez des questions. Parce que monter une vibration, c'est pas une affaire d'intellect. C'est une affaire de vibrer les choses. Parce que répondre à une question, c'est ouvrir à un terrain de certitude, puis de la certitude, ça t'engage dans une action que tu connais pas. Tu connais pas ce niveau d'action-là parce que tu vis avec une peur. Quand tu n'as pas de réponse, tu as peur, parce que tu es limité à ta connaissance mémorielle. Donc, si tu es limité à ta connaissance mémorielle puis que tu es toujours dans de la peur, bien, tu as un type d'événement qui peut t'arriver en fonction justement de ce climat de peur-là. Puis tu as quand même de la certitude pour accoter le combat que tu vas vivre. Mais ils ne peuvent pas t'ouvrir un chemin que tu ne prendras pas. Fait qu'il faut que tu aies des réponses. Mais vous ne prenez pas de risque. Vous restez tout le temps dans du connu. Puis là, vous dites que vous êtes conscient. Hé, un instant, papillon. Quand Bernard disait, on n'a pas commencé à parler. Il n'a pas dit, j'ai pas commencé à parler. On n'a pas, c'est pour des générations futures. Moi, lui est mort, moi je vais mourir, toi tu vas mourir. Puis est-ce le monde va être encore capable de pouvoir répondre à des affaires flyées? C'est ça qui fait la science qui bouge, puis l'informatique, t'as l'impression, tu dis, hey, là, c'est assez, là, quand t'as Word puis Excel dans ton computer, puis Outlook, t'as plus besoin de rien. Eh non, il y a du monde qui ont besoin d'autres choses, puis là, ils regardent, ils travaillent avec tel logiciel de montage vidéo, l'autre de son, l'autre de ci, puis tu dis, ils vont-tu s'arrêter? C'est gênant, j'ai l'impression d'un gars qui est arrêté. T'es arrêté, parce que la vie, ça bouge tout le temps. Fait qu'il y a toujours des réponses, puis des affaires que tu trouvais... Tu sais, il n'y a pas juste Elvis Presley qui est bon, là. Les Beatles, après, ils sont venus, puis ils étaient bons aussi. Puis... Donc, des réponses, mets-toi ouvert à entendre parler de Bebel. Puis, si tu es dans la grosse réflexion crasse, là, essaye dans ta mémoire de trouver des combinaisons alimentaires ou des combinaisons intellectuelles qui vont donner des nouvelles réponses, tu sais. Puis, dans de la réponse, c'est pas la finalité de l'information intellectuellement parlant qui est importante. C'est qu'est-ce que ça va te faire faire? Qu'est-ce que ça va te faire vibrer? Moi, je pense qu'un enfant qui apprend à parler, quand il est capable de se faire comprendre, il a intégré. Mm-hmm. C'est pas un enfant, là, il a, je sais pas quel âge, 2-3 mois, là, puis il fait babobu-bobu, puis à un moment donné, ses parents réussissent à... Bababibobu, ça veut dire je vais avoir un verre de lait. Puis dans une autre famille, ça va être bibibibobo bobo. Puis là, c'est un verre de lait aussi. Fait que c'est juste qu'avec le temps, ils sont obligés de synchroniser le langage pour que tout le monde se comprenne. T'sais. Puis là, ils vont dire au bébé hein, que, bon, c'est pas bababi bobu, c'est du lait. Fait que là, l'enfant s'enregistre, puis il intègre. Il intègre à travers son obligation de se mettre en échange. Moi, je pense que les gens qui ont à vivre de l'intégration, il y a une partie qui c'est consolider leur intellect pour qu'ils soient capables de fonctionner dans des organisations sociales puis qu'ils soient capables, avec des talents qu'ils ont. Tu sais, tu prends n'importe quel bon joueur de tennis qui a un talent naturel, il faut quand même qu'il apprenne à tenir sa raquette, à s'organiser. Je regarde des petits jeunes qui ont 6-7 ans puis qui jouent du Tchaïkovski au piano là, puis qui passent à des émissions américaines. Là, puis, tu sais, ils ont un talent naturel, mais il faut quand même qu'ils apprennent un minimum de structure. Puis en le vivant, pas en se pratiquant, parce que la différence entre un technicien et un créateur, c'est assez évident. Mais à force de vivre, qu'est-ce qu'ils ont à vivre? Bien, ils intègrent. Tu sais, c'est comme... Pour moi, de l'intégration, c'est un peu comme le mariage d'un conditionnement avec ce que tu vibres. Si je vibre la guitare, faut que je sache jouer la guitare. Puis, tu sais, savoir jouer la guitare, c'est pas un défaut d'apprendre les gammes, là. Mais moi, dans ma vie, c'est comme... Tu sais, gars, m'a donné un exemple de mauvaise intégration, si on peut dire ça de même, là, c'était pas dans mon destin. Mais je m'intéressais à la musique, je voulais faire de la musique. C'était plus facile de chanter que de jouer d'un instrument. Mais je tenais à jouer d'un instrument pour m'accompagner parce que je ne trouvais pas le moyen de m'associer à du monde pour avoir un orchestre. OK? Fait qu'il a fallu que je trouve... Mais j'ai mis tellement d'énergie sur l'instrument que je me suis écœuré de chanter. Fait que la chanson a pris le bord parce que ça tirait tellement de jus d'intégrer l'instrument, puis je voulais pas apprendre les gammes, puis le solfège, puis tu sais, je voulais garder l'espèce de liberté créative de partir avec une coupe d'accords, puis de me soigner une mélodie. Fait que j'ai vécu beaucoup d'insatisfaction au niveau de l'intégration musicale purement technique parce que j'ai jamais voulu me conditionner à apprendre la technique. Mais je suis pas devenu professionnel non plus. Parce que ça poussait pas assez fort la vibration pour la technique de la guitare, mais ça poussait beaucoup pour la voix. Puis la voix, bien, c'était plus facile de faire des conférences que de chanter. Un autre va te dire, moi, c'est plus facile de chanter que de faire des conférences. Tu sais, c'est comme la pulsion spontanée de toujours réinventer des phrases, des mots, des choses. Moi, je l'avais facile. Puis pour un musicien, bien, c'est d'apprendre par cœur, donc de mémoriser des tunes, puis... si tu as 15-20 tonnes à chanter dans un spectacle, ben tu as 15-20 tonnes à mémoriser. Moi, c'était pas ma force, la mémoire. Ce qui était ma force, c'était la spontanéité. Fait que j'ai plus vibré dans ce sens-là. Puis j'ai intégré beaucoup, beaucoup, beaucoup cet aspect spontané de parler, puis de parler dans différents registres. Puis c'est naturel pour moi de lire, de m'informer, d'aller sur le net, puis d'aller, de toujours savoir ce qui se passe tout le temps. Ça, c'est naturel. Fait que c'est plus facile pour moi d'intégrer dans ces secteurs-là que d'intégrer, exemple, dans un instrument de musique. Ça, c'est pénible pour moi parce que je le vibre pas, ça. Pas assez, en tout cas. Fait que l'intégration, c'est pas global. De l'intégration, c'est des registres qui sont en partie karmiques, mais qui sont, à un moment donné, dans une ouverture. Faut que tu sois capable de vivre une vie saine puis de la trouver extraordinaire. Moi, je vis une vie ultra plate, là. Tout ce qu'il y a de plus plat. Et puis, je suis capable d'en faire des conférences pendant des années et des années parce que je suis capable d'aller chercher le subtil du plat. Je suis capable de te faire voir qu'un chat peut faire de la télépathie avec son maître. Puis, tu sais, vivre avec un chat, ça ne peut pas dire que c'est un exploit qui va passer dans le Guinness, là. Mais si je te le parle, là, je vais t'emmener une lecture de rapport avec le chat que tu vas dire, hey, si j'ai pas de chat, je manque de quoi, moi. Tout ça. L'intégration, c'est très individuel. On n'intègre pas tout la même chose, mais c'est le même processus d'intégration pour n'importe qui. Il faut que tu vibres les choses, parce que tu ne peux pas intégrer ce que tu ne vibres pas. Que, les gens vont dire, si c'est pareil comme la passion, commence par ça. Essaye ça, une passion. Puis tu vas voir, il y a bien de la polarité là-dedans, puis il y a beaucoup de choses qu'on apprend à se casser la gueule, tu sais. Dans une passion, tu as des extases, tu as des déceptions. Il y a beaucoup de choses dans une passion. Moi, s'il me pognerait une passion demain matin, les deux pieds dedans. Hein. Parce que j'ai bien confiance à ma tête. Puis bien confiance que les forces m'accompagnent là-dedans, qu'ils me fassent lire les choses. Les faire lire en termes de qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à l'autre. Puis me faire lire la validité que ça a par rapport à mon passé, par rapport à mon futur. C'est parce que profondément, je sais que tout est marqué. Puis profondément, je sais que tout est synchronisé dans la vie. Il n'y a pas de hasard à rien. Et lui, il m'arrive, il dit, j'ai du doute. Bon, OK, tu as du doute. Mais tu sais, je ne suis pas capable de dire, on a du doute. C'est, t'as du doute dans ton secteur d'activité X. Puis un autre, lui, dans ton secteur que tu as du doute, lui, il peut avoir de la certitude. Par contre, toi, tu as peut-être une certitude dans un secteur que lui, il a un doute. T'es-tu bon en cuisine? Mieux que moi, en tout cas, c'est sûr. Moi, c'est des toasts du griot. Ben, si je vais avoir 8 ans, mais elle a une certitude avec un poignet wok, là, puis wok, wok, wok, wok, wok, puis on va manger, ça va être de l'allure. Tandis que moi, tu me donnes un wok, puis je mets du lait là-dedans, puis je donne ça au chat. Mais c'est pour t'expliquer, là, le pattern de la certitude de, là, quand ça tombe dans des champs d'application, tout ce que tu vibres pas, tu seras jamais sûr. Mais tout ce que tu vibres, tu as une grosse chance d'être sûr. C'est la vibration qui fait que ça t'amène vers un terrain de certitude. Ben, tu vibres de quoi? Avec le temps, ça va te mettre le point CI puis le bon CT.